Ruth chapitre 4. Buzz donc monta à la porte, et s'y assit. Et voici, celui qui avait le droit de retrait lignagé, et duquel Buzz avait parlé, passait, et Buzz lui dit, « Toi un tel, détourne-toi, et assieds-toi ici. » Et il se détourna, et s'assit. Et Buzz prit 10 hommes d'entre les anciens de la ville, et leur dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de retrait lignagé, Naomi, qui est retournée du pays de Moab, a vendu la portion du champ qui appartenait à notre frère Elimelech. Et j'ai pensé qu'il fallait te le faire savoir, et te dire, acquière-la en la présence de ceux qui sont ici assis, et en la présence des anciens de mon peuple, si tu la veux racheter par droit de retrait lignagé, rachète-la, mais si tu ne la veux pas racheter, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y en a point d'autre que toi, qui la puisse racheter par droit de retrait lignagé. Et je suis après toi. » Il répondit, « Je la rachèterai par droit de retrait lignagé. » Et Buzz dit, « Au jour que tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras aussi de Ruth la Moabite, femme au défunt, pour susciter le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de retrait lignagé dit, « Je ne saurais le racheter, de peur que je ne dissipe mon héritage, toi, prends pour toi le droit de retrait lignagé que j'y ai, car je ne saurais le racheter. » Or c'était une ancienne coutume en Israël, qu'au cas de droit de retrait lignagé et de subrogation, pour confirmer la chose l'homme déchaussait son soulier, et le donnait à son prochain, et c'était là un témoignage en Israël qu'on cédait son droit. Quand donc celui qui avait le droit de retrait lignagé eut dit à Buzz, « Acquière-le pour toi », il déchaussa son soulier. Et Buzz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi, tout ce qui appartenait à Elimelech, et tout ce qui était à Kiljon, et à Mahlon, et que je me suis aussi acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Mahlon, pour susciter le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la ville de son habitation, vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. L'Éternel fasse que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel, et comme Léa, qui toutes deux ont édifié la maison d'Israël. Et porte-toi vertueusement en Éphra, et rends ton nom célèbre dans Bethléem. Et que de la postérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Phar, que Tamar enfanta à Juda. » Ainsi Buzz prit Ruth, et elle lui fut pour femme, et il vint vers elle, et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui n'a pas voulu te laisser manquer aujourd'hui d'un homme qui eut le droit de retrait lignagé, et que son nom soit réclamé en Israël, et qu'il te soit pour te faire revenir l'âme, et pour soutenir ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, a enfanté cet enfant, et elle te vaut mieux que cet fils. » Alors Naomi prit l'enfant, et le mit dans son sein, et elle lui tenait lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom, en disant, « Un fils est né à Naomi, et l'appelèrent Obed. » Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Or ce sont ici les générations de Pharès. Pharès engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Buzz, et Buzz engendra Obed. Et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.